fait tatouer de crâne pour fêter son départ. J'aurais sans doute pas dû vu qu'elle est toujours là. Faut-il que je sois con pour un pari comme ça? Je suis fait tatouer de crâne, que faire de ce truc-là? Je me suis fait tatouer de crâne, un peu à cause de toi. Après 15 ou 20 bières, je ferai n'importe quoi. J'aurais dû me douter qu'elle ne partirait pas. Vu que l'appart est à elle, et que dedans y a rien à moi. Faut faire attention aux intentions. Méfiez-vous des conseils d'amis. Au milieu de la nuit, ça sent pas bon. Suis fait tatouer de crâne. Mon Dieu, qu'est-ce qui m'a pris? C'est très laid, tu trouves pas? Mais pourquoi tu m'as rien dit? T'es mon pote, mon besta, mon seul unique ami. De crâne à cet endroit en plus, oh putain, mais ça se voit. Suis fait tatouer de crâne, vous l'avez tous compris. Que va dire ma Lélette quand je serai dans le lit? Ton pote le tatoueur, il a une sale manie. Trimballer son matos en plein milieu de la nuit. Et faut faire attention aux intentions. Méfiez-vous des conseils d'amis. Au milieu de la nuit, ça sent pas bon. Fait tatouer de crâne, bourré totalement cuit. Ça m'a coûté un bras, j'ai vomi toute la nuit. Je mettrai un sparadrap pour que personne voit ça. Je suis fait tatouer de crâne, je te connais plus, t'es pourri. Faut faire attention aux intentions. Méfiez-vous des conseils d'amis. Au milieu de la nuit, ça sent pas bon. Faut faire attention aux intentions. Méfiez-vous des conseils d'amis. Au milieu de la nuit, ça sent pas bon. Tu fais tatouer de crâne, pas un cœur ni une fleur. Même ma mère va pleurer, papa va se fâcher. Il va encore me dire, prends exemple sur ta sœur. 30 ans à peine sonné, elle est déjà docteur. Suis fait tatouer de crâne, et j'ai ruiné ma vie. J'en reviens toujours pas, moi qui ai toujours fui. Les salons, les aiguilles, les tatoueurs, tout ce qui s'ensuit. J'ai même jamais voulu de décalcomanie. Faut faire attention aux intentions. Méfiez-vous des conseils d'amis. Au milieu de la nuit, ça sent pas bon. Non, non, je suis fait tatouer de crâne, mais maintenant faut rentrer. J'ai l'air de quoi poulet, est-ce que je suis bien coiffé? J'ai la trouille de ma vie, pourvu qu'elle soit au lit. Mais je crois que de toute façon, ce soir ça va chauffer. Je suis fait tatouer de crâne, pour la vie c'est comme ça. Moi j'aurais jamais cru qu'elle me pardonnerait ça. Tu fais macho, qu'elle dit, mais t'as fait ça pour moi. Toi et moi sur ton bras, oh les loups, j'en reviens pas. Faut faire attention aux intentions. Méfiez-vous des conseils d'amis. Au milieu de la nuit, ça sent pas bon. Faut faire attention aux intentions. Méfiez-vous des conseils d'amis. Au milieu de la nuit, ça sent pas bon.